en l'âme de l'ego, une fois qu'ils sont faits, qu'est-ce qui se produit? Ils sont redéfaits. Ils sont redéfaits dans le sens que les liens qui ont été faits par la forme doivent être redéfaits parce que la forme est détruite. Alors, qu'est-ce qui reste quand la forme est détruite entre l'ego et l'âme, il reste simple l'énergie. C'est l'énergie de l'âme que l'ego a besoin pour immortaliser le matériel. Ça, c'est un point important. Quand vous allez penser spirituellement, vous ne pourrez jamais vivre de l'énergie de l'âme consciemment. Vous allez vivre de l'énergie de l'âme inconsciemment. Vous ne pouvez pas vivre de l'énergie de l'âme par le biais de la forme spirituelle. Impossible! La seule manière de faire ça, c'est de toujours de rendre à l'intérieur partir de se conscientiser. Non! T'as rien à faire! Tu vis tous les jours, t'as des problèmes à tous les jours, tes problèmes, tes organises en relation avec ce que tu sais, en relation avec ce que tu sens. Il y a des formes qui se détruisent, qui se détruisent, qui se détruisent. Bon, mais c'est ça qui fait éventuellement que l'énergie de l'âme reste. Quand les formes, quand tu as vécu la destruction des formes pendant 20 ans, il restera seulement une chose entre toi et ton âme, ça sera l'énergie. Il n'y a plus de forme. Ça va dire comme un. Il dit comme un gars en avant d'une montagne, puis il va voir tout le bord. C'est ça. Je vous t'attends. Attends qu'il mette la boule dans mon bain. C'est ça. Oui. Savoir la fonction ultime, la fonction, la raison pour laquelle il y a eu une effusion à l'arrière. C'est à permettre la réouverture des circuits universels entre l'homme et les hauts plans du univers. Sans ça, s'il n'y avait pas eu cette effusion-là, la connexion ne se serait pas faite. C'est ça que ça veut dire racheter les âmes. Racheter les âmes, ça veut dire permettre à l'homme un jour de pouvoir recommuniquer mentalement avec eux autres. Ça a été ta seule fonction. Tout le reste découle de ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Il est venu à l'intérieur d'un principe qui était le principe de l'amour. Dans ce temps-là, les gens n'ont pas assez voulu de lui pour commencer à tomber dans le principe de l'intelligence, t'as pas le temps. Il est venu au niveau du principe de l'amour, mais le principe de l'amour ne va pas se comprendre avant 2000 ans. L'amour va se comprendre dans notre temps, nous autres. C'est les enfants de la lumière qui vont comprendre l'amour. Ça ne va pas être compris par la cinquième race. Parce que pour comprendre l'amour, il faut être conscient. Alors, sa fonction, c'est de réouvrir les circuits universels pour que nous autres, un jour, on puisse communiquer télépathiquement avec eux autres. Au lieu de fonctionner à l'intérieur de notre pensée. Puis concernant toute la forme chrétienne, la forme spirituelle du Nazarien, mais ça, tu vas dépasser avec le temps, faut que tu les parles, parce que c'est une forme. Lis. Elle est très grande, je comprends qu'elle est très grande, parce qu'on est des êtres spirituels c'est évident qu'on vibre spirituellement de cette forme-là. Fait que quand tu fais face avec à une forme de même, c'est évident que tu vibres. Mais ça fait partie de ton expérience. On l'a tous vécu, je l'ai vécu, moi. Avec le temps, vous voulez dépasser cette forme-là. Le Nazarien, le corps du Nazarien, la personnalité du Nazarien, la conscience cosmique dans le Nazarien, ça faisait partie du même principe universel qui doit se produire chez tous les hommes. Il n'y a pas de différence entre le Nazarien et vous autres. La conscience universelle, c'est la conscience universelle. Il y a des égaux qui sont suffisamment évolués pour l'absorber, cette énergie-là. Lui en était. Mais le temps vient où il y aura plusieurs égaux qui seront capables d'absorber l'énergie de cet âme-là, de leur âme, parce que toutes les âmes font toutes partie de tous ces autres plans, malgré qu'elles sont toutes individualisées. Ah, faut pas. Il dit qu'il ne faut pas qu'on spiritualise rien. On est arrivé au stage, il faut qu'on aille au-dessus de pour tomber dans la conscience pure. Sans ça, on souffre pour rien. On souffre d'émotions spirituelles. Puis ça nous retarde parce que ça nous empêche de nous servir de l'intelligence universelle à nous autres. Parce que regarde comment ça fonctionne l'intelligence universelle. Elle détruit toutes les forces. Fait que si on est attaché, nous autres, humainement, à des formes spirituelles, cette intelligence-là peut couper. C'est pour ça que, pendant 2000 ans, la forme du Nazarien était très puissante et elle a servi pour spiritualiser les masses. Mais à ce temps, les masses sont rendues à un autre stage d'évolution. La forme du Nazarien ne doit plus servir, elle ne peut plus servir, puisque le Nazarien est simplement un véhicule pour la conscience universelle dans l'âme, en relation avec la manifestation du principe de l'amour. Oui, mais il y a du monde sans tête pour faire comprendre des principes qui vous amène petit à petit à vous servir de votre intelligence pour comprendre la valeur de la force. En réalité, il n'y avait même pas besoin de mourir, il y avait juste à venir, c'était fait le problème. Il y a une raison pour laquelle il est mort. D'abord, tu sais, c'est bien complexe. Il y a une raison pour laquelle il est mort. Il est mort parce que, en mourant, il créait dans la conscience de l'humanité une vibration, une impression. S'il était mort, s'il était venu et il serait disparu, ça n'aurait pas été pareil. Mais le fait qu'il est venu, les gens étaient très barbares, les gens qui venaient après étaient très barbares, ça crée une émotion. Tu sais, une émotion. Il est mort pour nous dire qu'on pleure. Tu sais, toute affaire. Bon, mais c'est ça qui a servi à galvaniser les émotions de millions de personnes. Mais quand tu es rendu à communiquer avec eux autres et qu'ils t'expliquent toute la patente, c'est l'opérément. D'abord, s'il avait été plus mental, il serait pas mort. Il n'aurait pas joué dans le jeu des Romains. Comprends-tu? Il aurait fermé sa gueule. Il n'aurait pas parlé pareil. Il en a parlé d'une autre façon, mais ça faisait partie de la structure de sa personnalité, de son ego, pour que ce drame-là se fasse. Mais ce qui est important, ce n'est pas sa personnalité, c'est l'énergie en lui. C'est ça que je comprends. Nos égos remplissent des fonctions pour l'âme. Alors, l'âme, elle, elle doit évoluer, il y a des choses qu'elle fait. Puis là, il y a un ego qui descend ici, qui descend dans le corps matériel. Bon, lui, il va faire telle chose. Il y a un caractère, il y a un tempérament. Parce que le Nazarien, il avait un caractère, il avait un tempérament. Alors, ce tempérament-là a servi à l'homme. C'est toujours l'homme qui rentre. Mais nous autres, c'est pas l'homme du Nazarien qu'on s'accroche dans sa personnalité. Son corps matériel. Le fait qu'il y a eu des couronnes sur la tête, toute la cercle. appliquer à nous autres une sorte de douleur spirituelle. Mais c'est l'émotion spirituelle. C'est fini, les initiés ne mourront plus de la main des hommes. Mais dans le passé, les initiés, beaucoup d'initiés sont morts de la main des hommes. Ça faisait partie de l'évolution. Pour marquer. Parce que nous autres, on considère toujours l'importance de l'homme en relation avec son ego. L'importance de l'homme n'est pas en relation avec son ego, est en relation avec son âme. L'ego, c'est le véhicule de l'âme. C'est parce que vous ne voyez pas votre âme. Si vous voyez votre âme, que l'ego bâtisse ou qu'il bâtisse pas, ça en sac. Ah! Le Nazarien, dans une situation comme la sienne, il a été supporté, il a été donné la force pour faire ce qu'il a fait. Puis il l'a fait. Comprends-tu le dire? C'est l'âme qui donne à l'ego. L'âme peut donner à l'ego n'importe quelle force. S'il faut que l'ego se fasse assassiner, elle va lui donner la force pour se faire assassiner. S'il faut que l'ego se fasse arracher les yeux, elle va lui donner la force pour se faire arracher les yeux. Il y a des gens qui sont morts dans le passé qui ont souffert bien plus que de Nazaréen sur le plan matériel. Les tortures, les cibles, les sables, les Indiens, les gens qui sont venus d'Europe, qui sont venus ici, qui ont entré rencontrer les Indiens, puis qui se sont coupés le cœur. C'était pas un cadeau, puis mangent le cœur devant eux autres. Nazaréen, la mort du Nazaréen, c'est pas la mort la plus atroce qu'a connu l'homme. Mais nous autres, on la rend atroce parce qu'on dit que c'est un grand homme, c'est un grand ego, puis c'est un grand être. Alors, qu'est-ce qui nous accroche? C'est pas la mort du Nazaréen, c'est une place statistique qui nous accroche. C'est le sentiment spirituel qu'on a de voir qu'un grand être se fait passer par des yo-yo. Comprends-tu ce que je veux dire? Puis c'est là qu'on accroche. Mais il faut qu'on décroche de ça un jour. Sans ça, on pleurera tout le temps. Moi, si faudrait que je m'accroche au Nazaréen, je passerai mon temps à broyer. Voyons. Ah, on a tellement de sentiments spirituels qu'on ne peut pas rentrer dans la conscience cosmique. On ne peut pas qu'on rentre dans l'intelligence pure. Parce que l'intelligence pure, c'est pas un cadeau. Quand tu rentres dans l'intelligence rationnelle, l'intelligence philosophique, l'intelligence psychologique, l'intelligence spirituelle, l'intelligence de la religion, quand tu rentres dans l'intelligence de l'ego, ça te fait plaisir, c'est intéressant. Parce que tu prends toujours ce qui te fait ton affaire, puis tu mets de côté ce qui ne fait pas ton affaire. Mais quand tu rentres dans l'intelligence des mondes de lumière, tu ne prends pas ce qui fait ton affaire, puis ce qui ne fait pas ton affaire. Tu prends ce que tu as à prendre. Puis c'est cru, puis c'est raide, puis c'est mal. Donc à ce moment-là, ça détruit toutes tes formes, toute ta spiritualité. Puis là, c'est à ce moment-là que tu commences à comprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde. Sur de la matière comme ces autres plans. C'est parce qu'on a associé la but de disons, le rachat, là, notre supposé rachat, avec le péché. Des manquements, là, tu sais, bon, c'est pas pour rien qu'il est venu, c'est pas pour rien qu'il est venu. Alors, c'était une forme de rachat perpétuel. Tous les mots sont des prisons. Alors, c'est une religion qui grandit. C'est évident que pour aller chercher des adeptes, on va donner aux mots une valeur particulière qui va attacher les adeptes au centre magnétique de cette religion-là. Alors, la chrétienté a fait ça, le bouddhisme il fait sa façon, les arabes ils font de leur façon, les témoins de Jéhovah font de leur façon, toutes les religions font de leur façon. Mais les religions sont des mécanismes qui sont créés par les hommes pour le bénéfice des hommes, mais institués vibratoirement par des initiés. Ce n'est pas les initiés qui créent des religions, ce sont les hommes qui viennent après eux, qui les structurent en mettant tout le matériel ensemble, et ainsi de suite. Pas les initiés, ils viennent, ils partent, ils s'en vont. Mais les hommes qui suivent après, bon, ils font des petits camps, après ça, ils font un gros camp, après ça, ils ont de la bâtisse, puis on leur prend, Puis il faut une religion. Seulement ça marche, une religion. C'est nécessaire. Mais à un certain moment, quand le mouvement envers doit être fait, quand les individus doivent retourner vers l'individualité totale, pour savoir ce qui se passe, mais il faut que tu en sortes dans cette affaire-là. C'est ça l'évolution. Mais ça fait mal. Évidemment, ça fait mal. Ça fait pas mal, ça fait pas ça. Pourriez-vous nous dire à quoi s'applique, sur quoi s'applique la miséricorde divine? Est-ce que c'est une illusion de la miséricorde? La miséricorde divine, c'est une illusion spirituelle de la chrétienté. Puis la miséricorde divine, le concept de la miséricorde divine, c'est un concept psychologique, religieux, chrétien, qui a permis à l'homme d'être dominé par la forme spirituelle. Ça faisait partie de l'évolution spirituelle de l'homme. C'était essentiel, le concept de miséricorde divine. Mais ça ne s'applique pas à l'homme. Ça s'applique à l'homme tant qu'il n'est pas conscient. Parce que ça pourrait s'appliquer à d'autres que l'homme. Ça ne sera pas une illusion à ce moment-là. Comment ça, d'autres que l'homme? Ben, on pourrait dire, par exemple, que la miséricorde divine pourrait s'appliquer à d'autres que l'homme qui aurait pu avoir fait des manquements dans le passé. Quand on a fait des manquements, tu fais faux. Mettons, par exemple, des êtres qui sont plus grands que l'homme, l'homme actuel comme Lucifer qui a précédé l'homme. Lucifer, il sort, on parle de l'homme. Ah, mais... oh. On va parler de l'homme. Tu peux parler de Lucifer. Mais là, ça va être de miséricorde divine. C'est simplement une illusion. Ça existe sur d'autres temps que pour l'homme. Il y a des lois dans le cosmos. Il y a des lois dans le cosmos. Il y a des tribunaux dans le cosmos qui permettent de juger d'une façon absolue des comportements universels. En Lucifer, un jour, devra passer par ça. Mais ça, c'est son expérience. Mais c'est une expérience qui ne se comprend même pas au niveau de l'homme. Mais si on parle au niveau de l'homme, si on reste au niveau de l'homme, le concept de la miséricorde divine, c'est un concept spirituel. Puis comme tous les concepts spirituels, ils ont une valeur spirituelle. Et toutes les valeurs spirituelles sont bonnes et sont grandes. Parce qu'elles permettent de civiliser l'homme. La seule fonction des religions, c'est de civiliser l'homme, aucune autre. C'est la fonction des religions. Civiliser l'homme. Parce que l'homme est extrêmement primitif et barbare à cause de ses émotions. Mais quand l'homme est rendu civilisé à certains points où il est capable d'absorber des connaissances plus profondes, des connaissances plus réelles à ce moment-là, tous les concepts qui ont servi avant ne servent plus. Ce que l'homme trouve le plus difficile dans son évolution, c'est de passer d'un cycle à un autre. D'être obligé de rejeter tout ce qui a été établi comme absolu avant pour entrer dans un autre cycle où c'est tout là. Il est tout au-dessus de ça. C'est ce qui est le plus dur pour l'homme. Puis c'est ça qui fait la différence entre l'homme et le surhomme. Les questions qu'on se pose sur cette unité spirituelle-là, est-ce qu'on se ferme avec ça? Est-ce que c'est... C'est pas vous, vous le parlez, c'est que vous ne pouvez pas faire autrement. Ça va partir de votre tempérament, ça va partir de votre caractère, ça va partir de votre éducation, ça va partir de votre sentiment, ça va partir de votre bonté, ça va partir de votre spiritualité. Donc, tu sens une piège à si on a des. Par exemple, si on veut, on essaie de comprendre l'âme. Alors, on fait des lectures, puis on réfléchit là-dessus, puis on essaie de comprendre ce que c'est. On tombe dans un piège à ce moment-là où on est mieux d'essayer de chasser ces idées-là, de dire. Parce que des fois, on pose des questions, puis ça nous dit, bien, c'est pas important. Ça nous répond ça. Bon, mais quand ça te répond ça, c'est pas important, c'est ça la réponse. C'est à vous autres de vous ajuster à cette réponse-là. C'est exactement ça, bon. Exactement ça. Quand ils vont vouloir avoir dit assez souvent, c'est pas important, puis c'est pas important, puis c'est pas important, puis c'est pas important, mais là, tu vas te laisser tomber. C'est pas important. Vous êtes chanceux si vous êtes pas important. Parce que quand vous êtes rendu au point où ils peuvent vous dire dans votre tête, c'est pas important. Des fois, pas toujours. Ça, c'est de l'évolution. Mais c'est vibratoire encore. Il y a des choses qui, pour vous, vous pouvez l'absorber comme étant pas important. Il y a d'autres choses qui sont trop fortes émotivement pour que ça passe pas le message, c'est pas important. Je me demande pourquoi l'âme, justement, de penser, c'est encore plein de mystères pour nous autres. Pourquoi qu'on. C'est plein de mystères parce que vous avez dû penser. Les mystères existent parce que vous pensez. Si vous ne pensiez pas, les mystères n'existeraient pas. Ben oui, mais vous dites que les pensées sont contrôlées par en haut. Il nous vient des pensées. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de curiosité spirituelle. Ah ouais, c'est votre problème? D'ailleurs, votre émission se fait en relation avec ça, vous, de problème. Oui, mais regardez, là, lui, je sais que pourtant il se pose cette question-là, par exemple, il dit, laissez Lucifer tranquille. C'est pas Lucifer, lui, qui disait, c'est l'homme. Parce que nous autres, cette semaine, on discutait, on se demandait si l'homme n'était pas venu sur le plan matériel, parce que vous ne l'avez jamais dit ça. Si l'homme n'existait pas justement pour racheter Lucifer. Si on n'était pas venu, nous autres, pour ça. Si ce n'est pas par le biais de l'homme les actions du Lucifer. Un jour, vous saurez s'il y a une relation. En attendant, c'est sans importance. Ben non. On perd du temps. Ben effectivement, vous perdez de l'énergie. Vous perdez de l'énergie. Oh oui, ça fait. Beaucoup d'énergie. Un jour, vous saurez, on en parlera, ou ça vous sera dit. Mais en attendant, prenez un comment ça se fait chez nous? Il y a rien, nous deux, qui on résonne, puis on se pose des questions comme ça. Des enfants, on a l'air d'être fatigués, des fois, ils sont complètement... Moi, qui ont entièrement raison. Les enfants ont entièrement raison. Quand vous suivrez, vous écouterez, vous comprendrez, vous vivrez comme vos enfants vivent, à ce moment-là, vous serez plus proche de vous. Vos enfants n'ont pas passé par la même expérience. Ils ont moins de pas à détruire. Vos enfants sont au bout. Mais ils ont l'air moins curieux que. Bon, heureusement qu'ils sont. Heureusement qu'ils ont arrêté à temps. Tu as dit que c'était ta faute. Il y a trois esprits qui sont venus qui rentrent à l'intérieur de cette personne-là. Cette personne-là, je ne lui ai pas parlé, ça fait des années, je la connais à peine. Je l'ai vu trois fois depuis 22 ans. Quand elle est tombée en train comme ça, elle a demandé à sa mère de la marquer. C'est que Satan là, il s'est manifesté, vous appelez vous autres Satan, il s'est manifesté réellement à l'intérieur de elle, en se disant Lucifer lui-même, il y avait quelque chose à compter, je l'ai écouté, je suis à côté d'un bouquin, là, tout d'un bout de temps, ce qui a pris sa place, c'est peut-être un nom qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent, mais c'est un nom qui va avec la grande spiritualité d'être encore. Il m'a raconté quelque chose de merveilleux. Il m'a même fait un dessin. Ça a fait un artiste avec un doux et extraordinaire. Tant que je l'ai écouté et que j'ai embrouillé pour qu'il voie moi ce que je savais, il s'est manifesté. Alors moi, je lui dis que Satan, ça n'existe pas. C'est un image qui a été instauré dans les plans pour faire voir à travers du mental astral, qui avait un miracle, qui avait un bon. C'est pour nous donner une vibration pour faire nous faire avoir un équilibre de sentir d'une droite, d'une gauche, d'un chaud, d'un froid, d'un mal. Ok, Marie, je vais arrêter ici, là, puis tu continueras parce qu'il y a un point que je veux faire. Puis, il n'avait pas été institué dans l'homme. Le mal et le bien. L'homme n'aura jamais pu évoluer. L'ego n'aura jamais pu prendre l'expérience. C'est absolument essentiel que soit installé dans le mental de l'homme le concept du bien et du mal. Et ce concept-là a servi à créer dans l'ego une tension constante en deux forces, qu'on appelle des forces du bien, des forces du mal. Si l'ego avait les forces du mal, il y avait l'échéance. Si elle avait les forces du bien, il y avait une évolution spirituelle. Et cette implantation-là dans l'esprit de l'homme a été posée par des intelligences extraterrestres. Des intelligences extraterrestres extrêmement avancées dans la science de l'esprit. Le concept du bien et du mal n'a jamais été mis dans l'homme par les forces de la lumière. Il a été mis dans l'homme par des forces extraterrestres qui s'occupe de l'évolution de la planète Terre et qui connaissait les dimensions psychologiques éventuelles de l'homme. Parce que l'homme sur la Terre faisait partie d'une expérience à très longue échelle. Je n'ai pas l'intention de rentrer trop là-dedans. C'est des extraterrestres travaillaient avec les constellations. Ces extraterrestres-là étaient des êtres extrêmement évolués qui sont totalement au-dessus du mal et du bien. Mais de la même façon qu'on connaît dans la matière, par exemple, la polarité dans l'électricité, le magnétisme, ça fait partie des lois de la matière. Et dans l'esprit de l'homme, ces mêmes lois existent. Puis le seul niveau de l'homme où les lois de la polarité n'existent pas, c'est au niveau de l'âme. Tout ce qui vient en bas de l'âme est polarisé dans le cosmos. Fait que les êtres, ces êtres-là qui évoluent et qui travaillent, qui travaillaient avec l'homme pour son évolution, pour le guider, pour l'aider dans son évolution, sachant que cet être-là, l'homme, dans ce temps-là, n'était pas sur le plan de l'âme, il n'y avait pas une communication avec l'âme, ont institué en lui, dans son mental, par les initiés, tout le monde qui sont le concept du bien et du mal, pour forcer et accélérer l'évolution de l'homme. Alors, tout ce que vous rattachez au bien et au mal, à n'importe quel niveau de hiérarchie, ça fait partie d'une programmation qui a été mise dans l'esprit de l'homme pour son évolution. Puis un jour, vous comprendrez une chose que la cosmogonie du Rancien encore n'a pas compris, c'est qu'un jour, vous réaliserez que Lucifer appartient à la lumière et que Satan n'est qu'une image créée dans l'esprit de l'homme et que Lucifer n'est pas ce que les gens pensent et que la rébellion luciférienne n'a jamais existé. La rébellion luciférienne a été imposée dans l'esprit de l'homme parce que c'était nécessaire que l'homme sache que quelque part dans le temps, il y avait eu une rébellion. C'est pour ça que quand je vous parle du fameux mensonge cosmique, un jour, vous allez comprendre. Ça, vous allez comprendre seulement quand vous allez dialoguer directement avec votre âme que tout ce qui est en bas de l'âme, c'est de la merde. De la grosse merde que ça passe d'un plan du sacré à un autre plan du sacré. Puis quand vous avez compris ça, vous serez centré comme vous le suivez. Tout simple que ça. Fait qu'en attendant, vous vous débattez dans vos eaux. Puis vous vous débattez dans vos eaux. Puis vous vous débattez dans vos eaux. Jusqu'au jour où vous séparez vos eaux. Puis quand vous séparez vos eaux, vous serez libre de l'espace. Puis c'est ça, les plus dur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça. Le mensonge cosmique, c'est une science. Qui s'applique surtout dans les planètes comme nous autres, mais qui s'applique tout partout dans le cosmos, et même les esprits en sont restés. C'est la plus grande con game qui existe. Le mensonge cosmique. Et pour savoir que ça existe, le mensonge cosmique, il faut être fusionné, c'est tout ça que je le sais. Il n'y a personne qui a parlé du mensonge cosmique dans toutes les archives initiatiques de l'humanité. Je suis le premier homme qui en parle, puis je suis pas le dernier. Mais il faudra que ça soit dit une fois. Il faudrait qu'il y ait une fusion au niveau de l'intelligence, du principe de l'intelligence en rêve, qu'on le sache. Là, on le sait, parce que c'est à nous autres de marcher à partir de tout. Le reste, absolument rien. Absolument rien. Le mensonge cosmique, ma chère. M'en parle un jour. C'est toute une affaire, ça. C'est toute une affaire. Quand je vous dis que c'est une illusion de la connaissance, c'est pour vous protéger contre la connaissance. Contre le mensonge. Exactement, parce que quelle que soit la connaissance, ils vont vous la mettre à terre. Quelle que soit. Quand même que ça vient d'année, n'importe qui, les messagers, de ci, les messagers, ça, papa. Je vais tout la cosmovie, bien sûr, je vais la mettre en pièces. Je vais la mettre en pièces un jour. Hein. Ça va partir de là. Mais en attendant, ça sert. L'homme doit en arriver un jour, elle n'a plus le pouvoir de se poser de questions, mais elle y répond toutes. Comprends-tu la vibration? Elle n'a plus se poser des questions, mais elle les répond toutes. Puis elle répond toutes quand il y a une union entre l'ego et l'âme. Ça part. Le mouvement de bas en haut se fait plus, c'est qu'un mouvement de haut en bas. Puis pourquoi est-ce que les gens sont pognés dans le mensonge cosmique? Parce que tout le monde est dans le mouvement de bas en haut. Puis de bas en haut. Puis de bas en haut. Les questions, c'est luciférien. Toute question demandée est une question qui provient de l'ego et automatiquement elle engendre une réponse qui est contaminée, qui est liée aux lois de la forme, qui est liée aux lois de l'illusion, qui sont liées aux lois de la fameuse rébellion luciférienne. Quand je dis que l'ego est luciférien, c'est ça que je dis. Quand l'ego est dans le mien, quand l'ego est conscient de ça, l'ego n'est plus luciférien, il est divinisé. Il est parfait. C'est parce que tu dis que Lucifer est habitant dans la matière, alors à ce moment-là, ça fait partie de la matière. Le premier dans le groupe qui a compris un peu jusqu'à quel point, qui a compris un peu jusqu'à quel point ça va de mensonge cosmique, ces crotons, à cause de son expérience. Il est en maudit comme moi, pour ça. Parce que les gens sont toujours en maudit contre moi quand je veux pas voir mes choses. Tout le temps. Parce que les COVID. Quand tu dis qu'il y a 52 et plus dans ce gouvernement, mon père. Tu te réveilles. 52, je pense que me j'en ai. Ça va pas aller, je pense que tu vas te yeah. C'est désert, c'est intéressant, c'est un beau travail. Quand on a encore la libération de vie, vous lisez, je vous ai dit tout ce que vous faites, c'est correct. Mais quand vous aurez la vibration d'âme, c'est pas de votre ego. Comment même ton ego? Si tu m'écoutes, puis je te parle de ci, puis je te parle de ça, puis là, tu fermes la porte parce que vous bouchez. Bernard, il a dit ça, puis l'autre, Bernard, il a dit ça, puis Bernard, il a dit ça. À ce moment-là, je deviens sur toi une influence. Ça, c'est pas bon. Parce que ça t'empêche que dans la vie, par tes propres expériences, à comprendre par toi-même. C'est d'en haut que tu diras plus à Cosmovénie. C'est d'en haut que tu feras plus ci. C'est d'en haut que tu feras plus ça. Plus d'en bas. C'est ça, je dis tout, à tout le monde, faites vos affaires. Faites comme si vous ne m'aviez jamais rencontré. Au bout de mensonge cosmique. Au bout. Ça va marcher tout le monde. Pas bien du monde, tout le monde. Quand tu parles des souffrances des enfants de lumière, vous n'êtes de ça. Ça nuit, ça. Des souffrances des enfants de lumière. Faut que ça arrête quelque part. La méditation, ça sert à une part. Les questions servent à vous faire comprendre des choses. Puis plus ça descend de haut en bas, mais plus vos questions sont répondues en relation avec l'énergie de haut en bas. Elle, de temps en temps, va avoir une question, elle va dire « c'est pas important ». Quand c'est pas important, ça devient du plan d'âme, c'est pas important. Et quand ça devient important, à ce moment-là, faites attention. Plus qu'un jour dans la fusion, vous saurez tout. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de savoir tout, il s'agit de savoir rien. Vous savez tout après. Mais là, vous autres, vous venez tout savoir. Il n'y a rien à savoir. Tout est su. Il faut que le canal soit formé. C'est ça notre évolution. Vos enfants ont raison. S'ils ont tranquille aux portes, laissez-les tranquille. Laissez-les faire. Oui. Des fois, on écoute vos raisons, on te demande fais-tu de l'esprit ou fais-tu des esprits. D'où vient que le mot, c'est pas la même chose, mais le mot est le même. Esprit. Des Quand je parle des esprits, du monde des esprits, là, je dis le monde des esprits. Quand je veux dire eux autres... Oui, oui. Mais pourquoi le même mot? Pourquoi c'est le même mot pour les deux? Je vais moi dans un autre. Comment ça veut dire? Je peux commencer à vous créer des nouveaux mots, vous créer des nouvelles parts. Ben, je prends ce qui est là. Je le raffine un petit peu. En général, quand je parle du monde des esprits, je parle du monde des esprits. Quand je parle de l'ego de l'homme qui doit être transformé en esprit, je dis l'ego de l'homme qui doit être transformé en lumière. Quand je parle de l'esprit universel, je parle des forces qui sont dans le monde de lumière. Allez, elle t'appelle le contexte. Quand vous parlez d'esprit universel, c'est le mental universel? L'esprit universel, c'est la manifestation de l'âme dans le mental universel. L'esprit de l'homme est au niveau du mental, le supramental. Les esprits, eux, sont dans le monde astral. Les esprits sont dans le monde astral, puis sont aussi pognés que vous autres. Bien, ça, je me demandais que c'était le même mot. Hein? Le mien, c'est un autre mot. C'est un autre mot. Ce que je dis, tous les mots sont des prisons. Allez, la vibration, pas la part. Sans ça, vous allez vous accrocher, ça n'arrivera plus.